On va laisser le terme en arabe tel quel et l'expliquer par l'explique en ayant en mémoire le sens de at-taqarrub ash-shirki. C'est le fait de se rapprocher d'autre qu'Allah comme on se rapproche d'Allah, de se rapprocher d'autre qu'Allah en faisant de cet autre l'égal d'Allah par notre action. D'accord? Donc, et d'une autre manière, quelle est la définition du taqarrub ash-shirki et quelle est sa réalité? Al-Sheikh Mubarak Al-Milli, dans son ouvrage Al-Shirku wa Mazahiruhu, Al-Shirk wa Mazahiruhu, a dit, Rahimahullah, Ja'a al-Islamu bi anna at-taqarruba li ghayrillahi li nayli gharadin min aghradi al-hayati ad-dunya. Fa'tad shirkun yub'idu min rahmatihi wa yunzilu shadida niqmatihi. Il dit donc, l'islam est venu exposer que se rapprocher d'autre qu'Allah afin d'obtenir un bienfait de ce bas monde d'une manière qui n'est pas coutumière représente du shirk akbar qui éloigne de sa rahma, c'est-à-dire de la rahma d'Allah et engendre sa dure punition. Et engendre sa dure punition. Wa hadha yuwafiq rahimahullah ta'ala, fin de citation des paroles du shirk, voire Tahdhibu kitab al-shirki wa mazahirihi du Cheikh Saad al-Hussein, le Cheikh de Saad al-Hussein, page 45. Wa hadha yuwafiqu ma jaa fi risalati al-intisar li hizbillahi al-muwahhidin lil imam Aba Boutain rahimahullah qala mu'arrifan al-ibadata. Donc ce dab est cité par le Cheikh Mubarak al-Mili. Lorsqu'il dit que l'islam est venu exposer que se rapprocher d'autre qu'Allah afin d'obtenir un bienfait de ce bas monde d'une manière qui n'est pas coutumière. Que veut dire d'une manière qui n'est pas coutumière? C'est-à-dire qu'il n'est pas coutumier, il n'est pas connu dans le langage des êtres humains les uns envers les autres pour communiquer, pour se demander des choses, pour communiquer entre eux, pour se demander des choses, pour se préserver d'un mal ou autre. Il n'est pas connu dans le langage des êtres humains, les uns envers les autres, ou des créatures, les unes envers les autres, qu'ils communiquent de cette manière-là. D'accord? Donc, la manière de demander ce profit, ou la manière de se rapprocher de cet être, est ce qu'on appelle raibiyya. Elle est raibiyya. Elle est abstraite, purement abstraite. Elle n'a aucune connotation pouvant être liée un langage entre les créatures les unes envers les autres, ne pouvant être ainsi assimilé qu'à une seule chose, qui est le langage qu'emploie le serviteur envers qui? Envers son maître et seigneur. D'accord? Donc, je disais que ce dabit, cette règle citée précédemment, rejoint et est citée par le shir, cette règle rejoint ce que l'imam Abba Boutain rahimahullah a dit dans sa risala al-intisar li hizbillahil muwahhidin. Il a dit en définissant l'adoration, qala wa qila, et il fut dit dans la définition de la ibada, hu hiya ma umira bihi shar'an min ghayri itradin 'urfi wa la iqtida'in 'aqli. Il dit, et parmi les définitions données de l'adoration, il y a la suivante, que l'adoration est ou désigne ce qui fut ordonné dans la législation islamique sans avoir de signification coutumière, sans avoir de signification coutumière et sans avoir de signification coutumière sans avoir de signification rationnelle correcte, de signification rationnelle entre les créatures, min ghayri iqtida'in 'aqli. هي ما أمر به شرعا من غير إطراد عرفي. Donc elle désigne ce qui fut ordonné dans la législation islamique sans avoir de signification coutumière ou pouvant être indiquée par la raison humaine. C'est-à-dire que aussi bien dans l'usage des gens, il est impossible que les gens communiquent les uns envers les autres ou que les créatures communiquent les unes envers les autres de cette manière-là. De même que la raison n'accepte pas qu'une créature communique avec une autre créature de cette manière-là. La raison détermine clairement que ce genre de langage ne peut être que celui du serviteur envers son maître et seigneur. D'accord? Ici, donc, et termine la définition du la définition du cheikh, je l'ai cité, un commentaire ici. Ce qui est visé par le sens coutumier ou la signification coutumière est le langage des êtres humains les uns envers les autres, tel que le sourire que l'on fait en vue de se rapprocher de son ami. Son sens est clair et connu dans les usages humains de communication. De même, les dons financiers sont connus comme une forme de soutien entre les hommes et les cadeaux sont un moyen de se rapprocher les uns envers les autres. Ceci, contrairement au sacrifice pour se rapprocher d'un mort, qui n'a aucune signification coutumière et usuelle dans le langage humain. Il est impossible et inconcevable d'imaginer un homme prendre un mouton et le sacrifier à une forme de relation normale entre les hommes. Cette relation ne respecte donc pas les règles usuelles de communication établies en ce monde entre les créatures. Cette bête sacrifiée est laissée pour morte sans être consommée, ce qui confirme cette bête sacrifiée est laissée pour morte sans être consommée, ce qui confirme la signification purement abstraite de ce sacrifice. Toute connotation usuelle est absente de cette action. On ne retrouve aucune connotation usuelle, usuellement acceptable et connue entre les gens. Il s'agit donc là d'un message adressé par un serviteur envers son maître et seigneur, qu'il aura divinisé à travers son acte, son sacrifice, et auquel il aura reconnu la divinité à travers son acte. Ce message, quel est-il? Il peut soit être une demande d'un profit ou la demande de protection contre un mal. Et toute connaissance n'est que le fruit, toute connaissance, soit. J'espère, Inch'Allah. Maintenant, par rapport à ce point-là, par rapport à ce point-là, à savoir la définition donnée de la ibada, maintenant comparons-la au fait de faire le tawaf. Le tawaf autour d'une tombe, pour se rapprocher de celui qui est dans la tombe, n'a qu'une seule et même signification, qui est quoi? Qui est la soumission qui est propre à Allah, le Seigneur des mondes. Elle n'a qu'une seule signification, quelle est-elle? C'est la reconnaissance du serviteur, la reconnaissance du serviteur de la divinité de son maître et seigneur. Il est impossible que les gens communiquent les uns envers les autres en tournant cette fois de cette manière-là autour d'un lieu. Il est impossible. Cette signification-là est inconnue entre les gens. La seule signification que peut revêtir cet acte-là, c'est la soumission et l'adoration d'un serviteur envers son maître et Seigneur, envers son maître et Seigneur. Même la raison humaine n'indique pas, la raison humaine comprend d'elle-même que le tawaf autour d'une tombe, de la manière dont il est établi, ne peut être qu'un signe de soumission et d'adoration d'un serviteur envers son maître et Seigneur. C'est pour ça qu'Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a été envoyé vers son peuple, Ibrahim, lorsqu'il a vu son peuple, il leur a dit: Ma hadhil asnamu allati antum laha akifun. Que sont ces statues ou ces idoles autour desquelles vous faites des retraites spirituelles? Qalu inna wajadana laha akifun. Ils ont dit: Nous avons trouvé nos pères et nos ancêtres, ils faisaient ainsi, ils faisaient des méditations et des retraites spirituelles auprès de ces idoles. Donc, eux-mêmes savaient, sans qu'Ibrahim leur dise que cette action est une ibada, ils savaient de leur raison que cette action-là ne pouvait être qu'une adoration et ne pouvait pas revêtir une autre. Donc, ils ont eux-mêmes reconnu, d'après leur raison et d'après ce qu'ils savaient de l'indication de cet acte-là, que c'était une adoration. Et Ibrahim les a ensuite invités et appelés à ce que l'adoration soit vouée Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique. Et par rapport à ce sujet, on va continuer, inshallah ta'ala, pourquoi? Je vais continuer sur la question du sujoud. Vous vous souvenez qu'on avait traité de ce sujet, c'était certes à l'écrit, mais je vais le reprendre, inshallah, pour mettre la lumière sur certains points, afin qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Donc, par rapport au sujoud, je vais reprendre le poste qui avait été fait à cet effet, qui avait été écrit à cet effet, sur le forum, sur le forum, sur le forum, et essayer de le commenter, inshallah, à vive voix, afin que ça soit, que ça puisse, afin que les zones d'ombre soient retirées, inshallah, dans l'espoir que cette explication puisse apporter plus de clarification. Donc, par rapport au sujoud, vous vous souvenez qu'on avait traité de cette question et que le sujoud se divise en deux catégories. Il y a le sujoud qui est une adoration et le sujoud qui n'est pas une adoration. D'accord. Maintenant, la différence entre le sujoud qui est une adoration et le sujoud qui n'est pas une adoration, là est le point qu'il faut être attentif. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي أجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawi, a dit, les musulmans sont unanimes sur la prohibition de se prosterner pour autre qu'Allah, que c'est haram. Wa qala aydan, wa la yajuzu as-sujudu li ghayri Allah min al-ahya'i wal-amwat, wa la taqbilu al-quburi, wa yu'azzaru fa'iluhu. Et il dit aussi, il est interdit de se prosterner qu'Allah, vivant soit-il ou mort, et pareil pour le fait d'embrasser les tombes. Quant à celui qui en est coupable, il doit subir une peine répressive dont l'estimation revient à l'imam, ce qu'on appelle at-ta'zir. Wa yadullu li hurmati sujudi li ghayrillahi 'ammatan wa li qabri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, khassatan ma rawahu Qais ibn As'ad aw Qay afwan Qais ibn Sa'd qala ataytu al-hayr qala ataytu al-hayra fara'aytuhum yasjuduna li marzabani لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قال قلت لا قال قلت Donc la preuve de l'interdiction, de la prohibition de se prosterner de manière générale pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus précisément devant sa tombe, est le hadith rapporté par Qais ibn Sa'd. Il dit, dans la ville de l'Hira, c'est une ville qui est en Irak, il dit dans la ville, non, c'est Al-Hira ou Al-Hayra, c'est deux prononciations qui sont correctes. C'est une ville qui est à 7 km de Najaf et qui se trouve en Irak. Il dit donc, je me suis, non, dans la ville d'Al-Hira ou Al-Hayra, j'ai vu que les gens se prosternaient pour un de leurs marzaban. Ce terme-là qui est employé dans le hadith, désigne les gouverneurs perses. Tous les gouverneurs perses, on les appelait comment? On les appelait Al-Marzaban, ou Marzaban, d'accord? Il dit donc, lorsque je me suis rendu à Al-Hira, ou entrant dans la ville d'Al-Hira, j'ai vu que les gens, ou j'ai constaté que les gens se prosternaient pour un de leurs Marzaban, un de leurs gouverneurs perses. Je me suis alors dit, le messager d'Allah est bien plus en droit que l'on se prosterne pour lui. Il dit, je me suis alors rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ai dit, j'ai été à Al-Hira et vu les gens se prosterner pour un de leurs gouverneurs. Ô toi, ô messager d'Allah, et toi, ô messager d'Allah, tu es bien plus digne que l'on se prosterne pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, te serais-tu prosterné pour ma tombe si tu étais passé devant elle? Il dit, non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, ne le faites donc pas, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Ce hadith, ou ceci prouve que les Sahaba, bien que certains d'eux pensaient permis de se prosterner pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant en vue de le saluer, l'honorer et montrer leur respect, ne permettaient en aucun cas de le faire pour sa tombe après sa mort. Pourquoi? En raison de l'absence de cette signification, à savoir la salutation dans ce second cas. Et lorsque Mu'adh radiyallahu anhu revint du Sham, il se prosterna pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce que mahada ya Mu'adh, qu'est-ce que c'est que ça ya Mu'adh? Il dit, Mu'adh lui répondit, en allant au Sham, j'ai pu voir les gens se prosterner pour leur prêtre, ce qu'on appelle al-Asaqifa. et leur patriarche. J'aurais donc aimé, personnellement, à ce que l'on fasse cela pour toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne le faites donc pas. Ce hadith fut rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. وهذا يدل على أن السجود بغير نية العبادة لا يكون كفرا بمجرده. وعلى أي حال فالتفصيل الذي ذكره الذهبي على كل. Ceci prouve que le sujoud qui n'est pas accompagné de l'intention d'adorer n'est pas du kufr en soi. Et ici une parenthèse. N'est pas du kufr en soi, ça ne veut pas dire que l'intention est une chose purement abstraite qui ne peut être connue et déterminée à travers les actes. Par exemple, celui qui se prosterne pour le soleil. Quelle est la signification de cet acte-là? L'imam Dahlawi, rahimahullah, dans son livre Hujjatullah al-Baligha, il dit والسجود ملازم للاعتقاد للتدبير. La prosternation est liée en permanence à la conviction que l'être, le sujoud pour le shams, afwan, le sujoud pour le shams, pour le soleil, pour les êtres inertes, al-asnam ou al-jamadat, le sujoud pour eux est lié en permanence à la conviction qu'ils possèdent un pouvoir de gérance, un pouvoir de gestion du monde. C'est ce qu'on appelle aqidatu tafwid, qui est du shirk même chez les imamiyya. Même al-Khomeini était convaincu que ceux qui croient que les saints ont obtenu une délégation de gérer le monde, que ceci était du shirk. Puis à la suite de ça, bien sûr, il est tombé dans le shirk. Il est tombé dans le shirk par d'autres voies, mais sur cette question-là, qui est la question de tafwid, il est sur une voie qui est bien plus guidée que certains soufis, qu'Allah nous en préserve, ou certains, ou peut-être d'autres parmi les égarés, qui osent prétendre que le fait de croire que les êtres humains peuvent recevoir une délégation de gérer le monde, et que ceci n'est en rien du shirk, qu'ils croient que ceci est tout à fait correct. Donc, le fait de croire que le soleil, à titre d'exemple, a reçu une délégation de la part du maître et seigneur des cieux et de la terre, il a reçu une délégation afin de gérer la vie des gens, et que les gens lui demandent et que lui leur accorde. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a permis. Ceci est du shirk akbar dans tous les cas de figure. Et la prosternation pour le soleil ne peut qu'être liée à cette conviction-là, et ne peut en aucun cas être détachée de cette conviction. Maintenant, quelqu'un peut nous poser la question, qu'en est-il de celui qui se prosterne pour le soleil sans pour autant avoir cette conviction? Sans pour autant avoir cette conviction. Là, on va dire quoi? Ceci est du shirk akbar à l'unanimité des musulmans sans aucune divergence. Et celui qui le fait, il est mécréant sans aucune divergence. Sans aucune divergence chez Al-Sunna. Quant aux paroles des Mubtadi'a et des Asha'ira et de Ahl al-Kalam et ceux qui ont utilisé des introductions, soit des introductions rationnelles et qui sont des introductions incorrectes, des introductions ou des muqaddimat aqliya, des introductions incorrectes, rationnelles pour arriver à des conclusions religieuses, cela, leur avis n'est pas pris en compte. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que le sujoud pour le soleil, même en l'absence de cette conviction, ce sujoud-là, en soi, il n'a qu'une seule et même signification. Quelle est-elle? C'est la reconnaissance de la reconnaissance de la divinité du soleil, et que le soleil peut apporter le khair et repousser le mal aux êtres humains. Là, on parle de quel khair? De quel khair? On parle du khair al-raybi, le khair qui est abstrait. C'est-à-dire que le soleil, certes, il apporte de la chaleur aux êtres humains, mais peut-il guider les cœurs des gens? Celui qui pense, la réponse est claire, c'est que non. Et celui qui pense que le soleil peut guider le cœur des gens, ou que le soleil, et que le soleil peut guider le cœur des gens, ou que le soleil peut accorder la réussite dans la vie des gens, ou encore, comme pensent certains égarés, qu'il y a une relation entre les événements sur terre et la position des astres dans le ciel, comme le pensent certains soufis, qu'Allah nous en préserve, et c'est pour ça qu'ils font les talasim, à savoir les petites amulettes. Ceci est du shirk akbar. Ceci est du shirk akbar. Il faut faire la distinction entre l'effet que peuvent avoir, et ça, Inch'Allah, je reviendrai dessus. Je voulais le faire, enfin, soit. Ça, je reviendrai dessus, à savoir l'effet des astres sur la terre, ou l'effet de la lune sur la terre. Est-ce en permanence, est-ce que la conviction que les astres ont un effet sur sur la terre ou sur les habitants de la terre, est-ce que ceci est du shirk dans tous les cas de figure ou non? D'accord? Ça, on reviendra dessus, inshallah, dans un rappel suivant, inshallah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet et nous accorde, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet et nous donne la force de le faire. Donc, je reviens sur le sujet. Le sujoud pour le soleil est lié en permanence à la conviction que le soleil a le pouvoir de gestion sur celui qui se prosterne pour lui. Ce pouvoir de gestion est un pouvoir qui est ghaibi, qui est abstrait, qui ne respecte pas les règles de causalité. D'accord? C'est un pouvoir qui est ghaibi, abstrait, qui ne respecte aucune règle de causalité. D'accord? Et une autre question qu'on verra, inshallah, aussi, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, c'est la distinction entre les pouvoirs qui sont purement ghaibi, qui sont purement abstraits, qui ne respectent aucune règle de causalité. Ceux-là sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut, dans certains cas de figure, faire apparaître, faire ou permettre à certains prophètes, non pas de faire d'eux-mêmes, non pas de faire d'eux-mêmes, mais il peut leur permettre, dans certains cas de figure, de faire des choses qui sont purement surnaturelles, qui sont des mu'jiz ou des mu'jizat. Ces prophètes-là n'ont pas le pouvoir de reproduire ces actions-là. Ceci est impossible. Ils ne peuvent pas le reproduire sur simple volonté de leur part. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait que les règles universelles qui gèrent le monde soient contredites simplement pour prouver la véracité du message de ce prophète qu'il a envoyé vers son peuple. Mais soit, revenons à la question du sujoud pour le soleil. Donc le sujoud pour le soleil est un acte purement abstrait. Est un acte purement abstrait, qui ne peut avoir qu'une seule et même signification, qui est al-ibada, qui est al-ibada. L'ibada, comme l'a cité l'un des savants al-Hanafiya, comme on le retrouve dans le livre, Juhud ulama al-Hanafiya fi i'tiqad fi butlan aqaid al-Quburiyya, l'ibada, l'une des définitions qui rejoint le sens que l'on cherche à démontrer ici, dans ce contexte-là, l'une des définitions les plus correctes qui rejoint ce sens-là est celle évoquée par l'un des savants hanafites et qu'on retrouve dans le livre précédemment cité, à savoir que l'ibada, c'est le sentiment que l'être adoré, même si on lui donne pas, on le qualifie pas d'être adoré, on le qualifie pas de Dieu, peu importe. L'essentiel, c'est la réalité de ce qui est fait pour cet être-là. Donc le sentiment que cet être adoré a un pouvoir a un pouvoir ghaibi, purement abstrait, qui ne respecte pas les règles de causalité. Et qu'à travers ce pouvoir-là, il a la capacité de profiter et de nuire à celui qui l'adore. D'accord? Donc qu'il a une force qui est surnaturelle, qui ne respecte pas les règles de causalité. Et qu'à travers cette force-là, il peut profiter ou nuire à la personne qui l'adore. À partir de là, tout compliment, toute invocation, toute forme de respect qui découle de ce sentiment intérieur que l'être en question a un pouvoir ghaibi, qu'il a un pouvoir qui ne respecte pas les règles de causalité, et qu'à travers ce pouvoir-là, il peut nuire ou profiter, tout compliment, toute forme de respect, toute invocation qui découle de cela est une ibada. D'accord? C'est une ibada. Donc, le sujoud pour le soleil, celui qui se prosterne pour le soleil, son action ne peut avoir qu'une seule et même signification. Quelle est cette signification-là? C'est la reconnaissance que le soleil a un pouvoir de gestion sur le monde. Le pouvoir de gestion dont on parle, c'est qu'il a un pouvoir de profiter aux êtres humains. Le pouvoir de profiter, quand la personne se prosterne pour lui, ce n'est pas pour que il est plus chaud. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour que la chaleur, elle touche son dos. n'est pas pour ça. C'est pour obtenir quelque chose dans sa vie, une réussite, la guidance du cœur, l'entrée, la réussite de son avenir, etc. La manière dont le soleil va profiter, apporter ces choses-là à une règle de causalité. Par conséquent, cette action ne peut être que celle d'un serviteur envers son maître et seigneur. Et en aucun cas, elle ne peut être faite avec une autre intention. D'accord? Si maintenant elle est faite pour un intérêt de dunya ou pour se moquer, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Cette action, cette personne aura fait du kufr pour plaisanter. Et tout chacun de vous sait que celui qui fait du kufr pour plaisanter, il est mécréant. S'il le fait pour un intérêt de dunya, il aura fait du kufr. Pourquoi? Pour un intérêt de dunya. Et chacun de vous sait que celui qui fait du kufr pour un intérêt de dunya, il est mécréant et il n'est pas excusé. D'accord? Le seul qui est excusé, c'est le contraint. En dehors de ça, tous les autres ne sont en rien excusés. Inch'Allah, je vais m'arrêter ici. Je vais reprendre la prochaine fois. Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala permet la suite de cette explication, en essayant de joindre un peu tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été fait là-dessus, pour clarifier ces questions-là, Inch'Allah, et éviter le plus de zones d'ombre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum. عليكم. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, alhamdoulilah, le sujet est clair. Je suis désolé si des fois je sors du sujet ou je rentre dans plusieurs sujets à la fois. Inch'Allah, je tâcherai d'être un peu plus concentré sur un seul sujet sans traiter de plusieurs à la fois afin qu'il y ait une succession qu'il y ait une succession correcte d'idées pour pas qu'on s'embrouille et qu'on se mélange, que le sujet soit mélangé. Salam alaikum warahmatullah. Pour le tawaf autour d'une tombe, akhi, pour se rapprocher du mort, naam, c'est du shirk akbar. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais précédemment, comme on peut le voir dans l'explication précédente, le fait de faire le tawaf de cette manière-là autour de la tombe, pour se rapprocher de celui qui est dans la tombe, cette forme cette volonté, cette forme de se rapprocher pour autre qu'Allah, n'a pas de signification usuellement. N'a pas de signification ni usuelle, n'a pas de signification entre. Comment dire? Cette manière de faire ne peut pas être une façon de communiquer entre les créatures. C'est pas possible que les gens communiquent les uns envers les autres de cette manière-là. Parce que celui qui fait le tawaf autour de la tombe, pour se rapprocher de celui qui est dans la tombe, il veut lui demander quoi? Soit d'intercéder en sa faveur, soit il veut lui demander de lui accorder un enfant, ou de lui accorder la réussite, ou autre parmi les choses qui sont recherchées parmi les mouchrikines. D'accord. Donc il veut lui demander quelque chose, il veut un profit. Pour obtenir ce profit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté une action devant. Il a présenté une action. Il a comme dialogué avec cet être qui est dans la tombe. Comment a-t-il dialogué avec lui? Est-ce qu'il a dialogué avec lui de la manière dont les créatures dialoguent les uns envers les autres? Non. Il a dialogué comment avec lui? De la manière dont le serviteur dialogue communique avec, s'adresse à Afwan. Il s'est adressé à cet être comme on s'adresse à qui? Comme le serviteur. C'est comme si quelqu'un disait à autre, c'est comme si une créature disait à une autre pour lui demander quelque chose, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là, il n'y aurait pas l'ombre d'un doute que c'est un mouchrik. Pourquoi? Parce qu'il a communiqué avec elle d'une manière que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite. D'accord. Donc, et cette action-là qui est de dire à un être, c'est toi seul que nous adorons, et c'est auprès de toi seul que nous cherchons le secours, cette manière de communiquer, il est impossible qu'une créature communique, que les créatures communiquent les unes envers les autres, tout en ayant la conviction que ce sont des égaux. C'est pas possible. Il est impossible que les créatures communiquent les unes envers les autres de cette manière-là et s'adressent les unes aux autres de cette manière. Cette manière de s'adresser est propre au Créateur, est propre au Seigneur. D'accord? Elle est propre au Créateur et elle est propre au Seigneur. Donc celui qui fait le tawaf de cette manière-là, pour celui qui est dans la tombe, cette action-là n'a qu'une seule et même signification, c'est un serviteur qui s'adresse à son Seigneur et qui s'humilie face à lui et implore son pardon ou implore son aide et il implore son aide et sa protection. C'est la seule signification que cette action a. Et comme vous savez, les actions, même les actions que les gens font, par exemple, est-ce qu'insulter Allah, c'est du kufr akbar, d'accord. Mais est-ce qu'il y a une seule manière d'insulter Allah? Il n'y a pas une seule manière d'insulter Allah. Est-ce que insulter Allah ne se fait qu'en arabe? Non, elle ne se fait pas qu'en arabe. Il peut y avoir plusieurs langages. Donc toute action connue entre les hommes comme étant une insulte d'Allah est une insulte d'Allah. Et par conséquent, du kufr akbar. Il en est du pareil au même pour le shirk. Le shirk, qu'est-ce que c'est? C'est premièrement de mettre autre qu'Allah, de mettre autre qu'Allah à l'égal d'Allah dans ce qui est propre à Allah. D'accord. D'accord? De mettre autre qu'Allah à l'égal d'Allah dans ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou de vouer à autre qu'Allah ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite. Parmi les choses qui sont propres à Allah, c'est la reconnaissance de sa divinité. Allah est le seul Dieu. Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Allah est le seul que. Allah subhanahu wa ta'ala est notre seul Seigneur. Si la créature agit ou fait des actions pour autre qu'Allah, et que ces actions-là, dans l'ensemble des langages des êtres humains, ils ne peuvent être conçus que comme étant le message adressé par un serviteur envers son maître et son seigneur, et qu'en aucun cas les gens qui se considèrent tous comme étant des serviteurs agissent de la sorte, cette action, il n'y a pas de doute qu'elle est du shirk akbar et une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Wallahu ta'ala ala wa alam. Le frère dit, donc pour faire le takfir de la personne qui fait le tawaf autour d'une tombe en pensant se rapprocher d'Allah, on doit aller la voir, lui faire Iqamatul Hujja, ensuite s'il se repent, il reste musulman. Il n'est pas sorti de l'islam, c'est bien ça. Naam, dans tous les cas de figure. Avant Iqamatul Hujja, il n'est pas sorti de l'islam. Avant Iqamatul Hujja, il n'est pas sorti d'islam et cette personne est encore musulmane. Pourquoi? Car elle n'a pas adoré autre qu'Allah. Bien sûr, s'il a fait. Vous m'entendez? Salam alaikum. Akhi, tu m'entends? Donc j'espère, Inch'Allah, que c'est compris. Maintenant, il peut avoir fait d'autres actes qui l'ont fait sortir de l'islam, mais nous, on parle juste de ce tawaf. Si la personne se contente que de ça, tant qu'il ne le fait pas pour se rapprocher, pour celui qui est dans la tombe, il n'aura pas fait du shirk en soi. Maintenant, il peut devenir mécréant pour d'autres raisons. D'accord? Tel que le refus de la législation d'Allah ou le refus du message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on va faire, Inch'Allah. Donc, est-ce que c'est bien compris? Cette personne ne devient mécréant que cette personne, aussi longtemps qu'elle n'a pas fait cette action, qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas fait le tawaf pour se rapprocher de celui dans son action en soi. Mais il peut devenir mécréant pour d'autres choses, telles que le refus de la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le refus des textes après que ceci lui soit parvenu. Et, mais ça a encore d'autres critères. D'accord? Ça, c'est encore d'autres critères. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum li fois. Inch'Allah s'arrête ici le rappel d'aujourd'hui. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Juste une chose, Inch'Allah, pour la prochaine fois, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Reprendre un peu al-haqa'iq fi tawhid de Cheikh Ali Koudé. De le reprendre parce que on avait commencé à une certaine époque, puis après c'était un peu. On va essayer de le reprendre en. C'est-à-dire en cours de 30 minutes, comme là, ce qu'on vient de faire maintenant, en cours de 30 minutes, Inch'Allah. D'accord? Jazakumullah khairan. Une chose aussi, ça serait bien que ça, ces cours-là, le but, comment dire, d'éviter les polémiques avec les gens externes, c'est-à-dire, pour les gens externes, à savoir, surtout que ce soit les murji'a ou que ce soit les roulats. Si on rentre dans des débats avec eux, on va perdre notre temps, on va pas apprendre. Donc la chose, on est là pour apprendre, pour s'entraider. Il y aura aussi des cours de fiqh qui seront organisés, Inch'Allah, qui seront, parce que de toute manière, nous, de notre côté, vu la structure de la madrasa qu'on est encore en train de travailler dessus, mais les cours de fiqh sont déjà dispo. Donc dans tous les cas de figure, moi, j'ai été chargé de les enregistrer, les cours. Donc ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est que ce soit en même temps pour vous un cours en direct, et pour les autres personnes qui éventuellement s'inscriront pour la madrasa, Inch'Allah, ils les auront en audio, mais je en profiterai pour, quand je les enregistre, c'est des cours vraiment vivants, je ne suis pas tout seul en train de les faire. Naam. En fait, ça, c'est le frère Abou Mohamed qui a préparé les cours de fiqh, et moi je suis chargé c'est-à-dire de les enregistrer, de faire les cours à vive voix. Mais c'est lui qui les a préparés, jazakallahu khairan. Donc c'est un livre de madhab, c'est un livre dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui s'appelle Akhsar al-Mukhtasarat. C'est l'un des livres de débutants, mais il est très bien détaillé, mashallah. Qu'Allah récompense le frère pour le grand travail qu'il a fait. Et aussi, on doit faire des cours de usul, soit. Mais de toute manière, inshallah, si vous voulez y assister, le mieux, ce soit des petites assemblées comme ça, maximum 3-4 personnes. Au-delà de ça, c'est pas très, très. Je préfère, inshallah, qu'on soit 3-4 personnes plutôt que un nombre plus grand et. Ça, c'est même ce conseil-là avait été donné par Cheikh Al-Hazimi. Il disait, par exemple, le Talib Ilm, lorsque il est dans ses débuts, quand il est en train d'apprendre, afin de joindre entre son apprentissage et les cours, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est que lorsqu'il donne des cours, il peut donner des cours, mais qu'il y ait 3-4 personnes autour. C'est pour ça que vous connaissez l'affaire de Attar, radiyallahu anhu. Lorsqu'il y avait plus de 4 personnes qui se réunissaient autour de lui, il leur disait, levez-vous et quittez-moi. Voilà, il leur disait, levez-vous, quittez-moi, car c'est à travers vous que les gens sont troublés. C'est pas, c'est à cause. Donc je préfère, Inch'Allah, que les cours, Inch'Allah, soient entre nous, qu'il y ait une ambiance fraternelle, Inch'Allah, amicale. Je suis votre frère, fillah, vous êtes mes frères. On s'aime, fillah, on s'entraide dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a du sérieux de mon côté pour la préparation des cours. Il y a du sérieux de votre côté dans les révisions, et dans le hifz, dans l'apprentissage. Et Inch'Allah, les choses se passeront convenablement avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa lana illa billah. Nous, on a d'autres forces. On n'a rien comme force. On sait changer les choses. On ne sait interférer sur le. Ou faire quoi que ce soit, si ce n'est avec la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Là, je remets le micro et je vous dis à très bientôt. Pour les cours, c'est comme vous voulez. Moi, je suis dispo. De préférence, pas trop tard la nuit, parce qu'après, je suis KO le soir. Donc, si vous voulez bien qu'on les fasse un peu plus tôt. Après, voilà, une autre chose aussi. Ça serait bien que quelqu'un d'autre s'occupe pour les. Moi, j'enregistre les cours avec un dictaphone Olympus. D'accord? Je peux le mettre sur un fichier. Mais à la suite de ça, si je le mets sur un fichier, ça serait bien que l'un de vous s'en occupe. Parce qu'après, ça me fait un double travail. À l'époque, je faisais ça. Déjà, pour moi, je n'aime pas faire m'occuper de mes propres audios. C'est pas trop mon trip, quoi. J'ai énormément de temps. 20 h, ça va, c'est bon. Très bien, Inch'Allah, 20 h. D'accord? Sauf il y a des jours exceptionnels que je ne pourrais pas. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est faire au moins un jour tous les 2 jours, Inch'Allah. On fait un jour sur deux. Si je viens un jour en plus, alhamdoulillah, ça veut dire si je trouve un seul frère, je ferai quelque chose avec lui, les autres frères récupéreront. Mais au moins un jour, je serai dispo. Les cours, une demi-heure. D'accord? Akhi, jazakallah khairan. Voilà. Wa shukran, je vous remercie, Inch'Allah. Et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ça vous convient à tous, 20 h. D'accord. Ok, Inch'Allah, bah on va faire entre nous, Inch'Allah, d'accord?